en cœur, amis, chantons la victoire du Front populaire. C'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans un geste magnifique, nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la vraie République. La vie chère est presque pas d'ouvrage des voleurs, des jongleurs de millions. À cela, le peuple a fait barrage en votant pour les hommes du front. Il a compris qu'il fallait que ça change. Sans hésiter, il s'est uni. Tant pis pour tous ceux que ça dérange. Nous leur crions, écoutez bien ceci. En cœur, amis, chantons la victoire du Front populaire. C'est dans l'ordre maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans un geste magnifique, nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la vraie République. De belles paroles, puis aussi de jolis décrets-lois. Des fascistes, le diable est patafiole. Oui, messieurs, nous avons tous vu ça. Peu s'en fallu que la République fasse le grand saut à tout jamais. Pour cela, certains hommes politiques avaient trouvé l'accord le plus parfait. En cœur, amis, chantons la victoire du Front populaire. C'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les conquérants, car dans un geste magnifique, nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la